l'aise dans la Clio, à l'aise dans la BM. Sur l'instru comme le lait dans le PN. J'bois le verre de trop, celui qui fait qu'on dit qu'on est baise. Qu'est-ce qu'on a pu faire au bon Dieu? Quatre connards plein de rêves dans la caisse. Papa est tombé au trou. Mamie est tombée dans le bel aise. Y'a du poids sur nos épaules à délester. Depuis les films de foufoune sur la PSP. J'regarde le miroir les yeux dans les yeux. On a mis 25 ans à plus détester. Yeah. On a la voix grave parce que la gorge nouée. J'me sens mieux quand y'a pas de poulet. Y'a du courant et y'a pas de bouée. J'suis bien là mais mon cœur me dit taille. De la fumée, des bagnoles qu'on inhale. J'ai vu sourire des montagnes de visages. Comment tu veux qu'on croit pas au miracle? Ça va pas trop mais le poteau il dit ça. Yeah. Parce que c'est dur d'expliquer ce qu'on vit mal. J'ai les cernes dans la couleur des vitantes. Comment tu veux qu'on croit pas au miracle? J'ouvre les paupières, alors des poubelles et des oiseaux. J'suis dans l'équipe de ceux qui pensent tout haut. De la meuf du parc qui parle au moineau. La réalité nous frappe, la vérité tord les boyaux. Maintenant on signe des autographes, parce qu'il y a nos noms sur des panneaux. Charbonne en hiver, charbonne en été, jusqu'à ce qu'on excelle. J'tire un fiche des faits, des nœuds. Charbonne jusqu'au best-seller, charbonne jusqu'au pacemaker. Comment tu veux qu'on baisse les yeux? Depuis que j'ai l'âge de chanter et de compter, j'fais les deux. J'suis bien là, mais mon cœur me dit taille. De la fumée, des bagnoles qu'on inhale. J'ai vu sourire des montagnes de visages. Comment tu veux qu'on croit pas au miracle? Ça va pas trop, mais le poteau il dit ça. Yeah. Parce que c'est dur d'expliquer ce qu'on vit mal. J'ai les cernes dans la couleur des vies teintées. Comment tu veux qu'on croit pas au miracle? J'suis bien là, mais mon cœur me dit taille. De la fumée, des bagnoles qu'on inhale. J'ai vu sourire des montagnes de visages. Comment tu veux qu'on croit pas au miracle?